Section 4. De Deux petits sabots par Ouida. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 4. Son étranger du pays de Rub était un homme célèbre dans un certain monde. La gloire lui était venue jeune, ce qui est peut-être un malheur. À 20 ans, il avait exposé certains tableaux fiévreux de couleurs et parfaits au point de vue du dessin, qui mit Paris à ses pieds. Des vers, des folies politiques, des succès de monde contribuèrent encore à sa réputation qui s'affirma chaque année plus brillante. Quelques puristes prétendaient bien qu'il n'y avait pas d'âme dans ces tableaux. Rien d'étonnant à cela. Ils ne représentaient que le vice sans âme. Ils ne connaissaient guère que cela. Un pamphlet qui frappait trop juste des choses et des personnages qu'on n'attaque point impunément lui attira quelques difficultés. Il en rit et passa la frontière du côté des Ardennes. L'occasion lui parut bonne pour aller faire connaissance avec la Marguerite de Schaeffer. Il voyageait à loisir, remontant le cours de la Meuse, errant dans les blés verts d'un pied de haut où tintaient toutes les cloches rustiques des kermesses de Pâques. Il y a dans cette vie flamande quelque chose de si doux, de si calme, de si soporifique, pour ainsi dire, qu'il en ressentit de l'apaisement. Toute sa vie, il avait nagé d'un bras violent dans les rapides aux flots corrosifs. Ces canaux immobiles et monotones qui reflétaient, entre les roseaux de leurs rives, des mœurs restées presque les mêmes depuis le Moyen-Âge, avaient donc du charme pour lui. Il demeura quelque temps à Anvers, cette ville à la fois laide et admirable, qui fait penser à une vieille chope en grès de Flandre, incrustée de pierres précieuses au-dedans. Ces beautés intimes qui se dérobent ne peuvent dater que d'un temps où l'art était une religion. Il courba le genou devant Rubens, qu'auparavant il avait méconnu, ne le connaissant point. C'est que, si vous n'avez pas vu Anvers, il est aussi absurde de parler de Rubens que de Murillo, sans avoir vu Séville, ou de Raphaël, sans être allé à Rome. Il étudia la Marguerite avec intérêt et sympathie, car il aimait Schaeffer, mais, malgré tous ses efforts, ne parvint pas à la priser bien haut. « C'est une jolie paysanne, ce n'est pas un grand poème, se dit-il. Je ferai une Gretchen pour le prochain salon. » Mais il avait de la peine à concevoir Gretchen, n'ayant jamais représenté que Frinet, son triomphe ou sa ruine. Frinet dans les palais, sur un lit de rose, Frinet à l'hôpital ou à la morgue, toujours Frinet. Frinet qui, vivante, porte la mort dans son sourire. Frinet qui, morte, tombe dans le néant. Frinet qui, après avoir vécu d'une vie furieuse chacun de ses jours en ce monde, n'est plus dans l'autre que corruption inerte. Frinet a beaucoup de peintres dans l'école moderne, autant que Sainte-Catherine et Sainte-Cécile dans les écoles de la Renaissance. Il était le chef de ces peintres-là. Serait-il donc capable de peindre Gretchen quand l'idéaliste Schaeffer avait échoué? Non, certes, son pinceau eût-il trempé tout le carême dans l'eau bénite comme celui des moines artistes d'autrefois. Or, il ne croyait pas à l'eau bénite. Un soir qu'il avait laissé les cloches innombrables d'Anvers sonner le glas sur la tombe d'un art mort pour jamais, il songeait, accoudé à la fenêtre d'un des vieux palais d'une vieille rue brabançonne, se demandant s'il attendrait l'inspiration rétive en ce lieu hanté par les ombres de Hemling, d'Otto Veneris et de Philippe de Champagne, ou s'il ne s'en irait pas plutôt en Orient chercher de nouveaux types, créer par exemple la vraie Cléopâtre. Ce qui n'a pas encore été fait, quand il vit passer au-dessous de lui une petite villageoise, ses deux petits pieds blancs dans des sabots, et dont le visage était le pur éclat d'une fleur. « Voici ma Marguerite, » se dit-il à lui-même. Il la suivit jusqu'à la cathédrale. S'il parvenait à surprendre le secret de cette physionomie virginale, il éclipserait Harry Schaeffer, assurément. Un peu plus tard, marchant à côté d'elle dans les sentiers verts, il se disait « C'est bien le visage de Gretchen, » mais ce n'est pas son âme. La souris rouge n'a jamais passé le seuil des lèvres de cet enfant. Cependant, il se mit à rire, sachant trop bien que, lorsque le chien chasse le fauve, lorsque le serpent fascine l'oiseau, lorsque le roi convoite la vigne, l'issue est fatale. Il n'y a dans cette lutte de la force contre la faiblesse, de la subtilité contre l'ignorance, du maître contre l'esclave, ni égalité ni justice. Le dénouement est écrit, voilà tout. Le jour suivant, Bébé emporta le livre promis sous les feuilles de vigne de son panier. Bien qu'il ne lui eût parlé qu'un instant, elle était heureuse. Les portes d'or de la science venaient de s'entr'ouvrir pour elle, et de loin, elle apercevait vaguement le jardin des Hespérides. Du dragon, elle ne savait rien et n'éprouvait nulle crainte. « Voudriez-vous m'apprendre votre nom ?» lui avait-elle dit en échangeant le volume contre le bouton de rose habituel. « On m'appelle Lionel. Quel besoin avez-vous de mon nom ?»« Jeannot me l'a demandé. »« En vérité ?»« Oui, et d'ailleurs, » dit bébé, baissant la voix, « d'ailleurs, je compte prier pour vous tous les jours. Et si je ne sais pas votre nom, comment me faire comprendre de la Sainte Vierge, qui doit s'occuper de tant de monde ?» Il lui jeta un regard singulier et la laissa rentrer seule ce soir-là. Sa besogne fut bientôt faite. À la lueur de la lune, elle étala son livre sur ses genoux. En vain, les enfants vinrent tirer sa robe et la prier de jouer. C'était l'histoire de Paul et Virginie, remplie de belles gravures presque à chaque page. D'abord, elle eut quelque peine. Il y avait des mots qu'elle ne connaissait pas, des passages au-dessus de sa portée. Mais les images aidant, elle tomba bientôt sous le charme du récit. Les doigts enfoncés dans sa chevelure blonde, les yeux passionnément fixés sur la page qui illuminait une clarté blanche et forte, bébé laissa fuir les heures sans y prendre garde. Elle n'entendit pas les bruits familiers du voisinage, les gens qui lui criaient bonsoir, les petites cabanes se fermaient une à une, comme les liserons de la haie, ni des pas lourds qui résonnèrent dans le sentier, tandis qu'une voix disait très haut « Que fais-tu, bébé, à cette heure de nuit ?» Interpellée, elle tressaillit, comme si on l'eût surprise dans quelque mauvaise action, étendit les bras et promena des regards effarés autour d'elle, cherchant ce qui l'arrachait à son rêve. « Pourquoi es-tu debout si tard ?» demanda Jeannot, qui revenait de la forêt. Souvent, il employait une partie de la nuit à cette longue course, entre Soigny et la Hécène, pour apporter le pain de sa famille sans empiéter sur le travail du jour. Bébé ferma son livre. « Je lisais. Son nom est Lionel, Jeannot. »« Que m'importe son nom ?»« Tu l'avais demandé ce matin. »« Sot que j'étais. Pourquoi lire ? La lecture n'est pas faite pour de pauvres gens comme toi et moi. » À peine l'entendait-elle, son visage radieux levé vers la lune qui glissait au-dessus des bois. « Tu n'es qu'une paysanne, » dit rudement Jeannot. « C'est tout ce que tu peux faire de gagner ton pain. » Que deviendras-tu quand les limaces dévoreront tes œillets et que tes poules crèveront de faim, parce que tu perds dans les livres le goût des plaisirs simples et du travail honnête ? Tu es toujours maussade, répondit-elle. Bonsoir. Une seconde après, un verrou était tiré à l'intérieur et Jeannot, seul dans la nuit, se disait que sa colère avait été absurde. Il traversa le jardin aussi doucement que le permirent ses sabots et frappa au volet. « Bébé, bébé, écoute-moi. Je t'ai parlé durement, j'ai eu tort, je m'en repens. Es-tu fâchée encore ? Soyons amis, comme auparavant. » Elle entr'ouvrit le volet. « Qu'est-ce que cela fait, mon bon Jeannot ? Certes, oui, nous sommes amis. Nous serons amis, toujours. Seulement, tu ne sais pas. » Il s'en alla, le cœur bien gros et d'un pas fatigué. Il eût préféré qu'elle fût en colère. Quant à bébé, elle embrassa le livre et le plaça sous sa tête. Tout en dormant, ses doigts remuaient comme s'ils eussent compté des grains de chapelet, et ses lèvres murmuraient « Sainte Vierge, protégez-le. Il s'appelle Lionel. Il demeure dans la rue Marie de Bourgogne. N'y manquez pas. Et si, grâce à vous, les anges ne le quittent plus, je vous donnerai mon cactus, le seul que j'ai cette année même pour votre fête des roses. » Le lendemain, la femme du sabotier, tout en étendant son linge sur la haie mitoyenne, gronda bébé. « Les enfants m'ont conté que tu avais lu toute la soirée, » lui dit-elle. « Prends garde, un mâle en amène toujours un autre. »« Où donc est le mâle, ma bonne reine ?» demanda bébé, qui, respectueuse avec ses aînés, savait nonobstant se défendre au besoin. « N'est-ce pas un grand mal d'être mécontente ?» répondit la sabotière. « Antoine n'aurait jamais dû t'apprendre tes lettres. Je le lui avais bien dit. Aucun de mes enfants ne sait ni A ni B, Dieu merci. Les gens simples vivent chacun dans son coin, comme une noix dans sa coquille. » en croyant que c'est là le monde. Mais quand on se met à lire, un tas de choses qu'on n'a jamais vues vous fourmille dans la cervelle et vous vous désolez de ne pas les avoir. Et pendant ce temps-là, votre soupe brûle ou s'en va dans le feu. Vous ressemblez à ces mouches à miel qui quittent leur ruche pour aller se heurter en bourdonnant contre les vitres d'une serre. Bébé ne répondit rien. À quoi bon ? Déjà, les amis de son enfance lui paraissaient bien loin d'elle. C'était comme les habitants d'un monde qu'elle avait abandonné pour toujours. Elle compta les minutes jusqu'à celle où le coucou de la mère Krebs, la seule horloge de l'endroit, sonnait l'heure d'aller en ville. « Sûrement, il y sera, » pensa-t-elle, en partant plus tôt qu'à l'ordinaire. Elle avait besoin de lui dire dans quel ravissement l'avait jeté son livre. Nul autre ne pouvait comprendre. Cependant, la journée s'écoula sans qu'il lui donnât signe de vie. Une terreur confuse dominait bébé, plus poignante que tout ce qu'elle avait éprouvé jusque-là. Où pouvait-il être, s'il n'allait plus revenir ? Le soir, elle passa devant le café des trois frères qui donne sur les arbres du parc et dont les fenêtres ouvertes laissent entrer le son de la musique militaire. Elle l'aperçut à une de ces fenêtres. Des flots de satin et de velours, un éventail peint et brillant de pierreries, des figures de femmes, des fruits, des glaces chatoyaient autour de lui. Il riait, sa belle tête brune ressortant sur le panneau blanc et or. Bébé s'arrêta une seconde, puis continua sa route, une épine dans le cœur. Il ne l'avait pas vu. « C'est naturel, se dit-elle, il est là dans son monde, il ne pense plus guère à moi. Il n'y a pas de raison pour qu'il soit même aussi bon qu'il est. » Cependant, les pleurs ruisselaient sur ses joues. Ce qu'elle avait vu était si gai, si scintillant, et ces femmes. Elle avait déjà rencontré leur pareil. Dans les nuits d'hiver, en revenant de son atelier, il lui était arrivé de s'arrêter à la porte des palais ou de l'opéra lorsque les voitures y déposaient leurs élégants fardeaux, sans se demander si le velours valait mieux que la serge, si les diamants étaient plus légers au front que son petit bonnet. Mais aujourd'hui, ces femmes lui paraissaient éblouissantes, d'une splendeur surnaturelle, pareilles aux dahlias orgueilleux qui effaçaient dans son jardin l'éclat plus doux des roses. Pourtant, les dahlias ne sentaient rien, et bébé, qui était elle-même un brin de serpolet sauvage, sain, vivace, embaumé, plein de miel, bien qu'il puisât sa sève dans les cailloux du chemin, bébé se demandait si cette beauté avait une âme, ou si ce n'était qu'éclat de rire et paillettes. Elle n'aurait pu raisonner là-dessus. Toutefois, elle sentait qu'au plus opulent dahlia manque l'essence divine des fleurs, puisqu'il est sans parfum. Elle se confessa de ses mauvaises pensées au vieux curé. « J'ai vu de belles dames, dit-elle, et je n'ai pu prier le soir tant je pensais à elles, tant je les haïssais. » Elle n'ajouta pas « je les haïssais parce qu'elles étaient avec lui ». Dès qu'il entre dans l'âme la plus pure, l'amour en chasse la candeur. « Cela ne te ressemble guère, bébé, répliqua le bon prêtre. « Tu n'avais jamais envié personne, ma fille, ni paru avide des choses de ce monde. Je regrette que Jean t'ait donné ces boucles d'argent. Elles t'auront mis sur le chemin des vanités. » « Ce ne sont pas les boucles, et je ne suis pas envieuse, » dit bébé, fondant en larmes, sans écouter la fin de ses admonestations. Le lendemain, cependant, ramena Lionel devant son éventaire, et les jours suivants, il en fut de même. Une belle partie de l'été s'écoula ainsi. Bébé se trouvait heureuse lorsqu'elle avait pu, le matin, lui offrir une rose, ou qu'elle l'avait, le soir, rencontrée sur son chemin. Un amour qui s'ignore a besoin de bien peu d'aliments. Le délire, la fièvre, le désespoir, inséparables des passions d'un âge moins tendre, sont bien éloignés de lui, autant que l'éclair d'un ciel d'orage peut l'être du myosotis bleu qui s'épanouit dans la prairie au-dessous. Bébé s'émerveillait qu'un homme du féerique pays de Rub condescendît à se mettre au pas de ses petits sabots dans l'humble poussière du grand chemin. Elle passait la moitié des nuits à dévorer les livres qu'il lui prêtait. Quant à Lionel, il étudiait sa marguerite en ayant soin de ne pas l'effaroucher, comme un homme abaisse doucement et graduellement la main sur le papillon qu'il veut saisir et qu'un seul mouvement trop vif ferait envoler. De lui, bébé ignorait tout, même pourquoi il était venu, combien de temps il resterait dans la ville, et elle eût rougi de s'en informer comme d'une trahison. Psyché, si elle avait été aussi loyale, n'eût jamais allumé sa lampe. Mais Psyché elle-même n'eût jamais emprunté la lampe d'autrui pour éclairer les ténèbres de l'amour. À ses yeux, il était un être sacré, le bonheur parfait, indiscutable, qui venait de tomber dans sa vie, un don de Dieu comme le soleil. Elle acceptait ses allées et venues comme celles de cet astre, sans imaginer jamais de lui reprocher son absence, sans se demander si dans la nuit il éclairait d'autres mondes que le sien. C'était en elle moins une foi qu'un instinct. La foi doit raisonner avant de se rendre compte quelle est la foi, et bébé ne raisonna jamais plus que ses roses. Les bonnes gens du marché l'observaient avec un peu d'inquiétude. Ils ne pensaient pas de bien du petit bouton mousseux qui chaque jour s'en allait aux mêmes mains. Mais après tout, que savaient-ils? Les voisins du village savaient moins encore, car jamais l'étranger ne reconduisit bébé jusqu'à sa demeure. Parfois, il venait faire des esquisses dans le jardin, mais personne ne s'en étonnait. Les peintres ne sont pas rares en Brabant. À peine si les petits Van Hart s'attroupaient autour de lui, et les gens sérieux se bornaient à dire, avec cet intérêt qu'inspire la question d'argent à tout bon flamand, « Combien te paie-t-il, bébé ?»« Étourdi, » ajoutait-il, « tu devrais gagner assez pour acheter du bois tout l'hiver. Quand ce peintre de Gand a fait le portrait de Trine et de sa vache, il lui a donné une pièce d'or. Trine ne refuserait pas de te prêter sa vache, si c'est elle qui est cause de la différence. » Du reste, Lionel ne fut jamais amoureux d'elle, pas plus que des boutons de rose qu'elle passait à sa boutonnière. Il jouait avec cette chose gracieuse et aimante parce que la voir rougir, faire battre son cœur, éveiller en elle des sentiments nouveaux, l'amener de la timidité à la confiance, la rejeter de l'expansion dans la crainte, était un passe-temps tout naturel sous le ciel indolent de l'été. C'est ainsi qu'on sépare les pétales d'une rose doucement, avec précaution, pour mieux voir la rose profonde de son cœur. La réserve relative qu'il gardait avec elle lui semblait de sa part une vertu nouvelle, qu'il était prêt de tourner en ridicule. Mais tant qu'il ne séduisait pas le corps, il pensait pouvoir impunément tuer l'âme, cette petite âme que le travail et la pauvreté avaient gardée honnête et heureuse. Leurs rencontres ne furent épiées et commentées que par une seule personne, Lise, grande et robuste fille, qui se tenait l'été au coin de la montagne de la cour avec un étalage de fruits et qui l'hiver poussait une charrette à lait sur la neige. Souvent elle avait parlé à bébé, en cherchant à l'entraîner, des étudiants qui l'emmenaient danser et boire du vin bleu aux kermesses. Mais les braves matrones de la grande place ne manquaient jamais de la faire taire, et bébé ne comprenait rien à ses mauvais conseils. Lise triompha et fut dévorée d'envie tout ensemble quand elle vit bébé céder, elle aussi, à la tentation. « Ah ah, petite rusée !» lui disait-elle. Pour le vice, l'innocence n'est qu'une supériorité dans l'astuce. « Te donne-t-il de belles choses, au moins ?»« Personne ne me donne rien. Par exemple, tu ne me le feras pas croire. Jules n'est qu'un fils de petit marchand et cependant, il m'achète tout ce que je veux. Sans cela, crois-tu que je prendrai la peine de rajuster mon bonnet quand il passe ?» Il m'a donné ses pendants d'oreilles. Regarde, et à ton tour, montre-moi tes cadeaux. » Mais bébé s'éloignait en rêvant de Jeanne d'Arc et de Juliette dont il lui avait raconté l'histoire. Une fois qu'elle passait avec lui devant l'échoppe de Lise, « Eh, la belle innocente !» cria insolemment celle-ci. « Tu ne vaux donc pas mieux que les autres. Ce n'était pas la vertu qui t'empêchait de regarder les étudiants et les soldats. Mademoiselle ne se contenterait ni de noix ni de nèfles, voilà tout. » Elle les laisse aux pauvres diables de notre espèce. Ils lui font un ananas de serre. Prends garde, les fruits communs durent toute l'année, il y en a des tas au coin de chaque rue. Mais l'ananas ne mûrit qu'une fois, ne dure qu'un jour et ne se trouve pas le long des haies. » Bébé se sentit offensé instinctivement et leva des yeux inquiets vers Lionel. « Qu'a-t-elle voulu dire? Lui ai-je donc fait quelque tort ?»« Vous lui avez fait le tort, » répondit-il en riant, « d'avoir un teint frais quand sa peau est noire et un petit pied quand le sien est grand comme celui d'un troupier. Il n'y a pas de plus grand crime possible entre femmes. N'y prenez pas garde, c'est une brute jalouse. » Jalouse ? Ce mot n'avait pas de sens pour bébé. Jalouse de ce que je ne sois pas un étudiant ou un soldat comme le sont ses amants. Était-il donc son amant ? L'enfant tressaillit corps et âme de délices et de craintes. Elle n'eut pas de repos avant de s'être agenouillée ce soir-là devant le Dieu des pauvres filles en le suppliant de la rendre digne de son trop grand bonheur. Fin de la section 4.